Chapitre 25e. Monsieur Descloiseaux ne s'attendait pas précisément à une réponse. Il ne fut donc qu'à moitié surpris du silence dédaigneux de Juliette. Ce qu'il avait voulu, ça avait été donner une explication quelconque de ses menaces, de la veille et de son retour. Sans doute, cette explication eût pu être meilleure, car Juliette, qu'il avait vue entrer chez Madame de Lavranche, et qui avait dû connaître la visite que celle-ci avait faite à Madame d'Alifard, pouvait avoir des soupçons et deviner à peu près d'où venait le coup qui la frappait. Mais enfin, c'était une explication et son système était qu'il fallait toujours en donner une. Bonne, elle arrangeait les choses, médiocre, elle les embrouillait. Or, pour lui, une affaire embrouillée n'était pas une affaire rompue, et en manœuvrant bien, on pouvait, avec de la patience et de l'adresse, la remettre en bon chemin. Qu'allait-il arriver quand Juliette serait séparée d'Errol ? À quel coup de tête une femme désespérée ne se laisse-t-elle pas entraîner ? La douleur est mauvaise conseillère. Si elle acceptait des conseils, si elle se laissait entraîner et égarer par le chagrin, il fallait être là pour profiter de toutes les occasions et au besoin pour les faire naître. Il avait vu des lèvres, ouvertes par les pleurs, se laisser fermer par un baiser, et il ne comprenait pas que ce qu'il avait vu autrefois ne fût pas toujours possible. Il avait vieilli et n'était plus l'homme qu'il avait été autrefois. Qui disait cela ? Son acte de naissance. Mais son acte de naissance se trompait. On n'a que l'âge que l'on se sent avoir, et il se sentait aussi jeune qu'il l'avait jamais été. Ceux-là seulement sont vieux, qui ne mangent plus, qui ne dorment plus, qui n'aiment plus, et ce n'était pas son cas. Pourquoi Juliette serait-elle plus difficile que tant d'autres ? Ce qu'il demandait, ce n'était pas de la passion. Et pour amener un moment d'oubli, l'expérience d'un homme qui connaît la vie et les femmes vaut mieux que la timidité et la retenue de la jeunesse. Après le dîner, il s'approcha de Juliette, comme s'il voulait avoir avec elle un entretien particulier, et cette manœuvre produisit l'effet qu'il en attendait. Juliette s'en alla au jardin en emmenant avec elle son mari et son fils. « Vous ne venez pas, monsieur Descloiseaux ?» demanda Adolphe. Mais madame d'Alifard, qui n'avait rien compris à cette tactique, et qui voulait garder M. Descloiseaux, s'opposa à sa sortie. « Eh bien ?» demanda Mme d'Alifard lorsqu'on ne peut plus l'entendre. « Eh bien, j'ai longuement réfléchi à ce qu'on pouvait faire, et voici ce que j'ai trouvé. Si vous parlez à Adolphe de vos soupçons et si vous lui demandez de s'unir à vous pour consigner M. Errol, cela l'inquiétera et le rendra malheureux. Il est toujours mauvais qu'un mari ait des doutes sur sa femme, si léger que soient ses doutes. Adolphe est la confiance même, et cette révélation serait pour lui un coup terrible. Il faut, autant que possible, le lui éviter. C'est mon avis. À quoi bon savoir la vérité quand elle est désagréable ? Je ne pense pas comme vous là-dessus. La vérité est toujours bonne à connaître. Si, au lieu d'avoir un soupçon, nous avions une certitude, je n'hésiterais pas une minute à avertir mon fils. Les maris accueillent généralement assez mal ces avertissements. Mon fils ne serait pas de ces maris. En tout cas, moi, je ne serais pas femme à supporter silencieusement le déshonneur de notre nom. Juliette coupable serait impitoyablement punie. Elle n'est que légère, voilà pourquoi je veux des ménagements et de la prudence. Nous tenons donc votre fils en dehors de notre action, cela est entendu. Mais alors, une difficulté se présente. La difficulté m'importe peu, c'est la solution que je veux. J'en ai trouvé une. C'est celle qui est indiquée par la situation même. Qu'exige cette situation ? Une rupture. Comment amener cette rupture en la provoquant vous-même ? Si vous avez une discussion avec M. Errol, si dans cette discussion vous l'amenez à vous manquer de respect d'une façon grave, personne ne pourra prendre sa défense, ni Adolphe, ni Madame Juliette. Et alors il sera bien forcé de renoncer à venir ici. Vous voyez bien que rien n'est plus simple. Pour le résultat, oui, mais pour l'exécution. L'exécution est entre vos mains, et vous êtes trop habile pour ne pas la mener à bonne fin. Une femme a toujours mille moyens de pousser un homme à bout. M. Errol est vif et emporté. Il y a des points sur lesquels il souffre difficilement la contradiction. Ce sera à vous de trouver un de ces points. Exaspéré, il perdra la tête. Et s'il ne la perd pas ? S'il ne veut pas se mettre lui-même à la porte par un moment d'oubli, vous l'y pousserez par un coup de violence. Dans une discussion un peu vive, tout s'embrouille facilement, et l'on ne sait bientôt plus de quel côté sont les torts. Malgré son amitié pour le peintre, il est bien certain qu'Adolphe ne balancera pas entre vous et lui. Ce sera de votre côté qu'il se rangera, et ce sera à vous qu'il donnera raison. Cela obtenu, le reste ira tout seul. » Il fut donc convenu qu'on chercherait une querelle à Erol, et ce fut à trouver le prétexte de cette querelle que Madame d'Alifard employa les 3 ou 4 jours qui suivirent cet entretien. Le peintre devait dîner à Nogent le dimanche suivant. Il fallait qu'à ce moment la mine qu'on préparait sous ses pas fût prête à éclater. Quoique jusqu'alors Madame d'Alifard et Erol se fussent toujours parfaitement entendus, il y avait un point cependant sur lequel ils avaient été et ils étaient en désaccord. Sur ce point, seul Erol, qui cédait toujours et se montrait en tout plein d'une déférence qui allait jusqu'à la docilité, avait tenu bon, gardant son sentiment et le défendant. C'était à propos de la maternité. Madame d'Alifard, qui était très fière de la fortune qu'elle laisserait à son fils, et qui faisait toujours intervenir sa personnalité dans toutes les questions, soutenait que la mère qui se contente d'aimer et de soigner ses enfants en se dévouant pour eux n'est qu'une femelle qui prend soin de son petit. Ce sentiment maternel est un instinct bestial. La mère vraiment digne de ce nom, au contraire, était celle qui, tout en paraissant moins aimer ses enfants, savait leur préparer la vie en leur gagnant une fortune. Sans se fâcher, Erol répliquait que la fortune n'avait rien à voir là-dedans et que riche ou pauvre, on était également bonne mère, pourvu qu'on eût le dévouement, qui, selon lui, était la maîtresse qualité de la maternité. Maintes fois, ils avaient discuté ce sujet, et s'ils ne s'étaient point convaincus, au moins ne s'étaient-ils jamais fâchés. Le dimanche, Erol arriva chez Madame d'Alifard à son heure habituelle, et la journée se passa sans que rien se produisît d'extraordinaire. Se sachant observer, Juliette et Erol se tinrent seulement dans une réserve plus prudente, mais rien dans l'attitude de ceux qu'ils craignaient ne put leur donner à croire qu'ils étaient sous le coup d'un danger immédiat. Madame d'Alifard se montrait avec le peintre ce qu'elle était généralement. Madame de Labranche gardait le silence, et Monsieur Descloiseaux se tenait en repos, sans s'attacher comme toujours à Erol. Tout allait bien, Monsieur Descloiseaux n'avait pas parlé, et pendant le dîner ils se regardèrent plus d'une fois pour se confirmer dans cette croyance rassurante et s'exciter mutuellement à la tranquillité. Pour passer de la salle à manger dans le salon, Juliette prit le bras d'Erol et, au milieu de quelques propos insignifiants prononcés de manière à être entendus par ceux qui les précédaient et les suivaient, elle put lui glisser à l'oreille ces quelques mots « Rassure-toi, je t'aime ». Et ils se séparèrent heureux. Pendant que Juliette servait le café, Madame d'Alifard alla s'asseoir dans le coin du salon qu'elle affectionnait, et M. Descloiseaux d'un côté, Madame de Labranche de l'autre, vinrent se placer près d'elle sur son canapé. Tout à coup, Juliette, qui ne pensait à rien, entendit sa belle-mère appeler Erol d'une voix cassante et à l'accent de cette voix qu'elle ne connaissait que trop bien, elle sentit qu'il allait se passer quelque chose de grave. « Monsieur Erol, disait Madame d'Alifard, je voudrais bien avoir votre avis sur une histoire qu'on me raconte en ce moment. Il s'agit d'une mère qui s'est si bien dévouée à ses enfants et qui les a aimés d'une façon si intelligente que ceux-ci l'ont ruinée, de sorte qu'elle n'a plus un morceau de pain à leur donner, et qu'elle n'en a même plus pour elle. Trouvez-vous qu'elle n'eût pas mieux fait de les soigner un peu moins et de soigner davantage sa fortune ?« Mon Dieu, madame, » dit Erol en souriant, « pourquoi me demander mon avis ? Vous savez que nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur cette question. » »« C'est précisément parce que je veux cet accord. Il me déplaît que sur une question de cette importance et qui me touche personnellement, on me fasse de l'opposition chez moi à ma table. » Erol, qui tout d'abord n'avait rien soupçonné, comprit qu'il était en plein dans le danger et il s'inclina sans répondre. « Me ferez-vous l'honneur d'une réponse ?» continua Madame d'Alifard, que ce silence exaspéra, car il pouvait faire échouer son plan. Adolphe, surpris de cette étrange algarade, voulut intervenir mais sa mère le renvoya brusquement. « Laisse-moi régler mes affaires avec Monsieur Erol, » dit-elle. Moins que personne, tu dois intervenir, car au fond de cette querelle, c'est de toi qu'il s'agit. Ce qu'on blâme en moi, ce n'est pas tant mes idées que l'application de ces idées à nos rapports. Ceux des convives qui n'étaient pas au courant du but poursuivi étaient stupéfaits, tandis que M. Descloiseaux et Mme de Lavrange se regardaient avec un mauvais sourire. Erol, debout au milieu du salon, était décontenancé. Que répondre ? Ses yeux se tournèrent vers Juliette, et dans le regard que celle-ci lui lança, il lut cette réponse qu'il cherchait. « Coûte que coûte, maintiens ta dignité, » lui avait dit Juliette. « Ne te laisse pas insulter, ne t'humilie pas. »« Madame, » dit-il en s'avançant vers Madame d'Alifard, « je vous demande la permission de ne pas continuer cet entretien en ce moment. Et moi, je vous demande de ne plus m'exposer à le reprendre jamais. » Elle s'est élevée, et son geste précisait ses paroles, qui, cependant, n'avaient pas besoin d'être soulignées. Erol s'inclina. Mais à ce moment, Adolphe voulut intervenir une seconde fois. « Qui veux-tu défendre ?» dit Madame d'Alifard. « Ta mère ou ton ami ?» Il s'arrêta. Cette scène s'était passée en quelques secondes, car les paroles s'étaient précipitées avec rapidité. Chacun était resté à sa place, prenant une attitude conforme à son caractère. L'un, la tête baissée, ne voulant rien voir, l'autre, causant avec son voisin comme s'il n'entendait rien. Erol, ayant salué de la main, se dirigea vers la porte. Juliette alors s'avança vers lui et, marchant à ses côtés, elle le conduisit jusqu'à la porte. Là, s'arrêtant et lui tendant la main. « Demain, » dit-elle à voix basse, « dans le bois, à 1 heure. » Tous les yeux étaient fixés sur elle, mais personne ne put voir le mouvement de ses lèvres, car, penchée dans l'ouverture de la porte, elle tournait le dos au salon.